L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Les 27 et 28 mars, le foyer rural de l'Aire organise la première édition du festival Scène en l'air, deux jours de spectacle entre humour, théâtre et cabaret. Olivier Martin, bonjour. Oui, bonjour. Cette première édition, l'idée, elle est venue comment ? L'Aire fait partie d'une communauté rurale très dynamique où il se passe déjà beaucoup de choses, mais on avait envie d'apporter un petit peu du spectacle vivant au pied de la porte, changer un peu notre façon de voir les choses, tout simplement. Alors pour situer l'Aire par rapport à Nancy ? Alors c'est au nord de Nancy, sur la route de Nomni, après Bouxières-aux-Chênes. Voilà. Et donc c'est vous qui portez le projet de Scène en l'air, accompagné bien sûr de nombreux bénévoles, j'imagine. Bien sûr, oui, il y a une dynamique déjà qui est historique. On organise beaucoup de choses, mais la plupart des petites communes alentours sont plutôt dynamiques, proposent énormément d'activités. Et là, je ne suis que le représentant et le porteur du projet, mais derrière, il y a toute une équipe qui représente les voyageurs. Parlons de Scène en l'air, première édition. Vous avez choisi un esprit cabaret et cocooning. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre sur place et un mot sur la programmation. Nous, on avait envie de donner une couleur un peu rire, sarcastique, quelque chose d'un peu enjoué, mais tout en étant basé aussi sur la poésie, pour créer un peu une cohésion sociale autour de différents spectacles vivants. On va faire un petit tour d'horizon. Les 27 et 28 mars, on va commencer avec le vendredi soir et un peu d'émotion avec Sandra Fabry. Sandra Fabry, elle est de la compagnie Mille Portes. Son spectacle s'appelle Rallumer les Lucioles. C'est une comédie un peu dark, tendre. C'est l'histoire de Lily qui essaie de devenir une femme normale dans une société qui n'est pas aussi simple que ça. Donc ça, c'est le vendredi soir. Le samedi après-midi, une ambiance familiale ? Oui, alors là, on a souhaité accueillir plutôt des familles, puisque ça s'ouvre à partir de 7 ans. C'est la compagnie Mamaï qui vient et vont nous proposer un spectacle qui s'appelle « Mon père est un gnou ». Pareil, ça parle de l'enfance, des questionnements qu'on peut avoir, mais c'est aussi drôle. Et puis en jouer... Ce sera à quelle heure ? C'est à 14h30. On a fait volontairement, c'était notre souhait, de garder des places d'entrée relativement peu élevées, puisque l'entrée du samedi, c'est 5 euros par personne. Voilà, il y aura aussi de quoi boire, de goûter. L'idée, c'est de rassembler des familles et puis leur proposer quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de venir voir dans nos secteurs. Une belle initiative qui se conclura le samedi soir à l'heure... Un gros temps fort, là. Voilà, le samedi soir, c'est le point d'orgue. C'est un dîner-spectacle où il y a deux spectacles proposés autour d'un repas. Le premier spectacle, c'est Pierre Emmonneau, qui nous vient de Paris. C'est un seul en scène, un humoriste. Il est assez sarcastique, il parle de politique, bien sûr, de peuple, de lui-même, mais en même temps, il reste élégant. Il est entre Édouard Baird et puis des proches. Voilà, on peut être sarcastique tout en restant élégant. Et puis la deuxième partie autour du repas, c'est bien sûr les Souricieuses, donc une compagnie lorraine. Trois femmes, des instrumentistes qui jouent sur la voix, qui jouent aussi sur le corps, les percussions, musique. Donc c'est aussi quelque chose de plutôt enjoué. De l'humour, de l'émotion, de la musique. Un beau programme en tout cas pour ce week-end-là. Oui, on essaye. Pour notre premier festival, on va essayer de faire quelque chose de bien, de propre. Pour bien s'y préparer, je pense qu'il vaut mieux réserver. Oui, les réservations se font directement sur Hello Asso. Il suffit de taper les IR. Le samedi soir, ça commence à se remplir bien. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place encore pour le spectacle jeune. Donc n'hésitez pas à venir et à faire parler autour de vous. Et puis le spectacle du vendredi soir se remplit aussi. Mais Hello Asso, c'est bien. On peut réserver sa place. Et si on veut retrouver d'autres infos pour retrouver le foyer rural de l'Aire ? Oui, bien sûr, foyer rural. Vous avez des informations sur Facebook. Il suffit de taper foyer rural de l'Aire et... Voilà, quelques semaines de cet événement. Je pense que les bénévoles sont impliqués. Oui, ils attendent. Je pense qu'on est tous au taquet, là. Ça tracte, ça commande, puisqu'on, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire en termes de régie, en termes de commande. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir une équipe briefée qui sait faire les choses et puis qui aime se faire plaisir aussi avec ça. Et au-delà de ce rendez-vous, d'autres temps forts à venir ? Ouais, les IR organisent des temps forts toute l'année. Ouais. On sort d'une soirée dansante. Bien sûr, il va y avoir prochainement les fêtes de la Saint-Jean et puis d'autres que vous trouverez sur notre page Facebook. Voilà, et en attendant, bien sûr, la première édition du festival Scène en l'air, c'est les 27 et 28 mars. Merci beaucoup, Olivier Martin. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.